Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, la peur. Publish or perish. Mobbing, ranking et omerta. Ma carrière allait de toute façon être bousillée si je disais quoi que ce soit. Une unie, désunie. Et au moment où j'ai eu un entretien, on m'a demandé quelles étaient mes recherches. Guerre aimable. Un des deux qui m'a dit ce que vous faites, c'est de la merde. Donc, tout le monde sait qu'on doit travailler à plein temps, mais tout le monde ne paye pas ses employés à plein temps. Le peuple lettré est dominé par l'envie. Vous ne pouvez pas prétendre à un projet de ce type parce que vous n'avez pas assez de publications. Parce qu'en même temps, ben, si on dénonçait, c'était tellement facile de se faire gicler, donc on accepte énormément de choses. On a énormément de cas qui passent sous le radar, parce que ça arrange aussi les institutions d'avoir un radar peu performant. Nous retrouvons Françoise Vaquet qui est avec nous pour cette semaine. Semaine consacrée à une émotion bien particulière, c'est la peur. Quand j'ai découvert le travail de Françoise Vaquet, notamment au travers d'un entretien qu'elle a eu auprès d'Étienne Klein, l'astrophysicien, qui a une formidable émission de radio que je recommande vivement, la conversation scientifique, j'ai découvert, et Françoise Vaquet, et son ouvrage, Une histoire émotionnelle du savoir, paru au CNRS Édition. Et là, je me suis dit, il y a forcément un lien entre ce thème de la peur et l'histoire émotionnelle du savoir. On va peut-être, avant d'aborder à proprement parler la peur, Françoise Vaquet, s'intéresser à la multitude des affects, au travers évidemment d'exemples que vous pourrez nous donner, affects qui sont dissimulés. Car je le rappelle, le propos de Françoise Vaquet, c'est de dire, il semble qu'il y ait comme une sorte d'aspect disqualifiant de l'émotion depuis la fin du 19e siècle. Maintenant, cette omniprésence des émotions dans la science, elle est bel et bien là. Ouvrons peut-être la fenêtre suivante, Françoise Vaquet. Par quelle émotion pourrait-on bien commencer, qui est, d'après votre étude, celle qui a été le plus majoritairement dissimulée? Quantitativement, cela est très difficile à dire. Ce que je voudrais dire, c'est que la science, très généralement, a été représentée de façon héroïque. Finalement, le chercheur, quel qu'il soit, et en particulier dans des domaines scientifiques, de sciences dures, est présenté, mais aussi dans l'anthropologie par exemple, est présenté comme quelqu'un qui a surmonté des difficultés extraordinaires, qui a vaincu 1000 obstacles, pour arriver à ce que l'on... La seule émotion, finalement, que l'on retient généralement et que l'on met en exergue, c'est l'eureka. Tout d'un coup, il y a cette illumination de l'eureka. Or, tout cela, finalement, cache... Sentiment, pardon de vous interrompre, mais sentiment d'autant plus conforté quand un grand nombre de ces savants finissaient en statue, notamment à la fin du 19e siècle ou au début du 20e. Ça, vous avez tout à fait raison, ou étaient promus par le monde journaliste, naturellement, dans des émissions, ou bien dans des, au moment de récompense, et où on vantait, en quelque sorte, tout d'un coup, cette grande découverte qui avait révolutionné, si ce n'est le monde, du moins leur discipline. Seul face au vent et aux éléments déchaînés. Voilà, exactement, et ayant vaincu 1000 obstacles, 1000 difficultés, etc. Naturellement, quand on voit cela comme ça, et qu'on regarde la science en train de se faire, et j'insiste bien, la science en train de se faire au jour le jour, eh bien, on voit une masse grouillante, un flux d'émotions se succédant pratiquement en montagne russe, entre des joies et des bonheurs très, très grands, très profonds, et aussi des désespoirs très grands, et aussi, pour venir à ce sujet, des peurs aussi nombreuses. Le chercheur est aussi un homme qui a peur, d'une certaine façon. Une peur qui peut être peur face aux éléments extérieurs. Je prends peut-être des exemples, si vous le permettez. Plus que volontiers. Volontiers. Ou bien des peurs par rapport à la difficulté de réussir une performance. Quand on lit des leçons inaugurales au Collège de France, institution qui en France est en quelque sorte le couronnement en quelque sorte du monde académique. On est frappé à la lecture de ces leçons de voir dans les premiers mots la personne disant qu'elle commence avec crainte et tremblement, c'est-à-dire avec peur. On peut penser que c'est là un motif purement rhétorique. Le chercheur, enfin l'orateur, la fausse modestie, voilà une fausse modestie. Au contraire, attendant du public une sorte de sentiment. Mais non, ce n'est pas ça. Bon, en quelque sorte. On sait très bien ce que vous voulez. Voilà, exactement. Mais j'ai trouvé un témoignage de l'administrateur du Collège de France, et l'administrateur, le jour de la leçon inaugurale, escorte le nouveau professeur jusqu'à la chaire, jusqu'au micro, le présente rapidement, et l'administrateur, alors Yves Laporte, disant que quand il a escorté des professeurs, il se rend compte qu'ils étaient extrêmement tendus. Donc on voit que cette crainte et ce tremblement n'est peut-être pas totalement un motif purement rhétorique. Là donc c'est la crainte et tremblement, une certaine peur, une certaine anxiété, dont on voit aussi des témoignages au XVIIIe siècle. Trouvé le témoignage, c'est son journal d'ailleurs, d'un professeur au Collège de France, au tout début du XVIIIe siècle. Cet homme s'appelait Galland, c'était un arabisant, qui est surtout connu aujourd'hui par le fait qu'il est un des premiers traducteurs des Mille et Une Nuits. Et Galland, donc, avait été candidat au Collège de France, et on voit, les 4 ou 5 mois précédant sa candidature, le succès dépendait alors du roi, hein, c'était le roi qui nommait, eh bien, on voit son angoisse de candidat, si je peux dire ainsi. L'angoisse de ne pas être pris. Oui, oui, voilà, l'angoisse de ne pas être pris, d'échouer, la peur d'échouer. Cette peur dont, par exemple, Georges Duby a exprimé. Il a hésité à être candidat au Collège de France, ayant peur d'échouer, il le dit très, très clairement dans ses mémoires. Donc, pour en revenir à Galland, quand il apprend qu'il est pris, il a sa leçon inaugurale à faire. Et on le voit, il va écouter une autre leçon inaugurale. Il achète une leçon inaugurale. Il l'écrit d'abord en français et il la fait lire par un membre de l'Académie française. Ensuite, la leçon se faisait en latin. Et elle se faisait en latin sans notes, ce qui redoublait encore l'épreuve. Et pendant plusieurs jours, il s'exerce à recopier sa leçon traduite en latin qu'il avait fait revoir par un autre membre d'une autre académie, l'Académie des inscriptions et belles lettres. Il l'écrit à la main, en gros caractères, pour bien la mémoriser. Mais la crainte était encore là. Et il s'assure des services d'un souffleur, au cas où, naturellement, il aurait un trou. Donc on voit là combien l'inquiétude est une réalité. Sur ce point-là, Françoise Vaquet, là, vous nous donnez les clés, les indications de ce qui a pu être une situation de peur, oui, de l'échec. Oui. Se mêle-t-il à cette peur-là la peur non seulement de l'échec, mais du jugement des pairs, qui, on le sait, dans le milieu universitaire, pèse plus qu'énormément. Pour la leçon inaugurale, c'est très clair, parce que la personne parle devant une assemblée choisie, une assemblée des fois un peu mondaine pour ses... Oui, pas forcément bienveillante. Pas forcément bienveillante, et il parle aussi devant des collègues. Donc échoué, et il y a un exemple, alors quelle est la véracité de cet exemple, ça il faudrait peut-être la démontrer, c'est quasiment impossible. Allez, c'est, une petite légende ne fait pas de mal de temps en temps. C'est le cas d'un professeur italien qui, à la fin du XVIIe siècle, devant faire sa leçon inaugurale à l'université de Padoue, et donc en latin et sans notes, tout d'un coup s'est trouvé sec, a dû s'arrêter, et on dit, alors là, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je n'en sais rien, mais on dit qu'il est mort de chagrin quelque temps après. Françoise Vaquet, avez-vous, sur ce plan-là, déjà eu l'occasion de, à titre personnel, de vous trouver en connaissance, en face à face, avec une ou un collègue qui avait très profondément mal vécu un moment. Je crois que c'est une chose assez courante. En particulier, par exemple, pour des candidatures, quand il y a des oraux à passer, très souvent, les personnes disent, et même j'ai ressenti cela, que l'on n'a pas fait la bonne réponse, qu'on aurait pu faire une meilleure réponse, une réponse plus futée, plus... La fameuse bonne réponse. Oui, la fameuse bonne réponse. Et même si ça s'est très bien passé, quand on sort, c'est toujours « Ah ben, c'est ça que j'aurais dû dire et que je n'ai pas dit. » Ça, c'est... Ça, dans beaucoup de situations. Dans beaucoup de situations. Du rendez-vous galant au rendez-vous professionnel. Exactement. Oh, j'aurais dû dire ça. Pour en revenir à la peur, et alors la peur, disons, sur le terrain, parce que ça aussi, il y a beaucoup de gens, il ne faut pas l'oublier, qui ne sont pas uniquement dans les labos ou dans les bibliothèques, mais qui vont sur le terrain. Et là, il peut y avoir des peurs extrêmement fortes. Xavier Le Pichon, voilà, dont vous me parliez avant que nous n'ouvrions ce micro. Exactement. Racontez-nous ça. Xavier Le Pichon est un océanographe fameux, qui a fini d'ailleurs professeur au Collège de France. Xavier Le Pichon était un jeune, quand il était jeune chercheur, a commencé à vérifier ce qu'on lui disait, c'est que l'océanographie s'apprenait en mer. Et il est parti sur une goélette et il raconte qu'il fallait, pour faire des prélèvements, marcher sur une planche qui déborde du bastingage, accrocher un câble pour avoir en quelque sorte les éprouvettes pour faire les prélèvements. Cette planche était d'ailleurs surnommée la planche du héros, ce qui montre bien en quelque sorte le courage qu'il fallait avoir et les difficultés qu'il fallait vaincre, parce que le bateau n'était pas immobile, il y avait des creux et il dit on était, comment dire, on montait, on descendait de mètre à l'autre. Et dans une autre expédition qu'il a menée, qui est une expédition franco-japonaise dans le Pacifique, et là il est co-directeur de l'expédition, très lourde expédition, et à un moment donné, le bathyscaphe qui est envoyé par le fond, hein, tout d'un coup, est coincé dans le fond. Et là, c'est la peur qu'a toute l'équipe à bord du bateau de perdre non seulement le bathyscaphe, mais surtout les deux ou trois collègues qui étaient à bord. Et d'ailleurs, quand l'événement tourne au mieux et que le bathyscaphe peut remonter, mais une nuit après... Une nuit terrible de tension. Là, c'est une explosion de joie, de bonheur. Il y a cette peur, donc, de perdre des collègues, d'échouer, finalement, mais aussi dans une collaboration internationale où les deux parties avaient peut-être des agendas quelque peu différents. Il y a aussi des craintes. La rivalité. De la rivalité. Et là, cela a pesé, et en particulier à la fin, quand il a fallu partager les résultats. Et tout cela ensuite, naturellement, dans la publication, ça disparaît. On parle de la recherche, c'est tout. Un exemple très, très intéressant, que j'ai cité en introduction de mon livre, parce que c'est un texte, je trouve, très beau, écrit par un savant qui écrivait admirablement, c'est le professeur François Jacob, qui était professeur au Collège de France, prix Nobel de médecine, et Jacob parle de son travail de recherche au jour le jour, et il dit qu'après une recherche, maintenant il faut écrire l'article, et là, on enlève toutes les scories affectives, tous les éléments émotionnels, c'est-à-dire toutes les peurs, toutes les craintes, toutes les fausses joies, tous les enthousiasmes que l'on a eus pour faire une chose polie, bien lisse, et tout le reste a disparu. Françoise Vaquet, avez-vous eu recours pour la rédaction de votre ouvrage « Une histoire émotionnelle du savoir » au témoignage anonyme ? Parce que, évidemment, dès l'instant que l'on va glaner les sentiments, il y a les sentiments avouables et puis les sentiments moins facilement avouables, ne serait-ce que pour une raison très simple, non pas qu'ils ne soient pas avouables ou non d'une morale, c'est simplement qu'un jeune chercheur, par exemple, une jeune chercheuse, ne va pas... intentionnellement scier la branche sur laquelle elle espère ou il espère être assise et ne va pas fusiller sa carrière. Alors que, on le sait, On ne le sait peut-être pas d'ailleurs suffisamment, il faut qu'on en parle. La hiérarchie n'est pas forcément des plus sympas et des plus tendres dans le domaine universitaire. J'emploie là volontairement un euphémisme, je le vois, votre réaction. Oui. Alors, avez-vous eu affaire à des témoignages anonymes? Non, je n'ai pas eu affaire à des... Enfin, oui et non. Dans beaucoup d'enquêtes, en particulier d'enquêtes sociologiques, vous le savez, on ne nomme pas les personnes ou on leur donne des prénoms d'emprunt. Alors, c'est un semi-anonymat. Mais il y a de jeunes chercheurs qui se sont clairement exprimés, par exemple pour des candidatures. En particulier en sociologie, il y a eu des collectifs. Ce sont des collectifs de jeunes chercheurs qui se présentent à des candidatures à l'université pour les postes de maître de conférence, qui en France sont les premiers postes, en quelque sorte, dans la hiérarchie, c'est le début de la carrière universitaire. Et ces recrutements impliquent de passer un oral dans une université. Et naturellement, pour augmenter leurs chances, bien, les gens font une tournée, en quelque sorte, d'université. Et souvent, il y a des témoignages extrêmement durs, en quelque sorte, sur les conditions qu'ils ont rencontrées. D'abord, la fatigue de faire cette sorte de tour de France, la dépense qu'ils font, et surtout le fait de se retrouver devant des commissions où parfois des membres n'ont rien lu du tout, où les gens peuvent être hostiles, et souvent d'ailleurs sont, c'est peut-être pire d'ailleurs, indifférents. C'est ici le moment de retrouver un de ces témoignages que j'ai pu recueillir auprès de jeunes chercheurs sous couvert de l'anonymat, qui évoquent quelques-unes de ces situations et notamment celle-ci arrangée dans la colonne des incivilités. Bon, venons-en à l'échelle plus individuelle peut-être. Une expérience que vous pourriez nous raconter, au cours de laquelle vous vous êtes dit « Jamais j'aurais pu imaginer qu'il m'arrive quelque chose comme ça ». J'ai terminé mon doctorat il y a déjà au moins 8 ou 9 ans. Et puis des postes se sont ouverts ensuite. On a été plusieurs à postuler. Et 3 dossiers ont été retenus, dont le mien. Alors, sur ces 3 personnes... on était 2 à avoir ce qui est généralement exigé pour obtenir un poste, c'est-à-dire un nombre de publications dans des revues renommées en anglais, plusieurs livres, des séjours à l'étranger, des expériences dans plusieurs universités. Et une personne qui venait de terminer sa thèse, qui n'avait rien publié, qui n'avait pas fait de séjour à l'étranger... Et jamais je n'aurais imaginé cette personne aura le poste. Eh bien, j'ai beaucoup appris depuis ce jour-là. J'ai été étonnée de voir à quel point toute cette mise en scène était mesquine. Parce que les postes sont repourvus en fonction de la décision de commission. Et on nomme des commissions en fonction des personnes que l'on souhaite engager. Et cette personne devait être engagée parce que c'était une personne qui avait travaillé longtemps avec un des professeurs, qui lui avait rendu beaucoup de services et qui avait été longtemps invisibilisée. Et en retour, ce professeur souhaitait la mettre en place, mais surtout c'était une personne qui n'allait pas lui faire de l'ombre. C'est évident qu'il y a des égos qui sont assez importants, et on ne veut pas une personne qui fasse trop d'ombre, juste à côté de soi. Et au moment où j'ai eu un entretien, on m'a demandé quelles étaient mes recherches. Il s'agissait de 3 hommes qui étaient un peu goguenards. Il y en a un des 2 qui m'a dit « Ce que vous faites, c'est de la merde. » Dixit. Dixit. Et vous attendiez à ça? Je ne m'attendais pas à tant de grossièreté. Je ne m'attendais pas surtout à ce qu'il imagine qu'il ait une telle impunité, qu'il puisse se permettre d'avoir ce comportement-là. Et puis je me suis attendue à ce que la personne qui préside la commission mette des limites et lui demande de sortir ou rectifie la situation, mais pas du tout. C'est pas du tout ce qui s'est produit. Et ils avaient des petits sourires en coin. Vous avez répondu tout de suite ? Non. Je pense qu'il m'a fallu 3-4 secondes pour me demander si j'avais bien entendu ce que j'avais entendu, pour me demander si les personnes à la commission allaient réagir. Vous avez fouillé en vous-même, avec, je sais pas, de l'espièglerie, est-ce que vous avez essayé la provocation, l'insulte ? Le contrôle de soi. J'ai expliqué pourquoi ce que je faisais n'était pas de la merde et les raisons qui m'avaient poussé à choisir ces sujets de recherche-là. Je suis restée très rationnelle et sur les sujets de discussion sur lesquels on aurait dû rester depuis le début. Je me souviens d'un roman graphique intitulé, peut-être l'avez-vous lu, Françoise Vaquet, Carnet de thèse. La jeune femme, dont le nom m'échappe à l'instant, qui en est l'auteur, posait là une sorte de récit à l'évidence autobiographique. Jeune chercheuse, elle était en préparation de thèse, sauf que le professeur chargé de la suivre, elle n'arrivait jamais à mettre la main dessus, ni même à le croiser, ni ceci, ni cela. Et on sent que Carnet de thèse racontait la vie d'énormément de jeunes chercheurs. Je n'ai pas lu cela, mais je pense à un petit guide du thésard, du doctorant, comme on dit maintenant, qui a été écrit il y a à peu près une vingtaine d'années, où la personne, qui était un professeur d'université, expliquait tous ces ressorts psychologiques, en quelque sorte, le long d'un parcours de thèse, avec des profils différents d'étudiants, bien sûr, des profils aussi différents de professeurs, et aussi ces enthousiasmes du jeune thésard qui commence cette aventure de la thèse et qui souvent ne trouve pas l'appui intellectuel souhaité, ou peut-être parce qu'il est des fois trop exigeant, ou parce que le professeur ne fait pas son travail. Et là, elle expliquait très bien tous ces états émotionnels qu'il y a. Elle s'appelle Claudine Herzlich. C'est tout à fait intéressant et on voit tous les états émotionnels le long du parcours de thèse, avec aussi des moments au début, enthousiasme, ensuite une déconvenue, tenir le temps malgré tout. On ne peut pas non plus faire durer cela éternellement. Et naturellement, le moment clé de la soutenance. Autre témoignage extrait d'un ouvrage intitulé Le monde vécu des universitaires ou La République des égaux, paru aux presses universitaires de Rennes. J'ai postulé pendant 5 ans. J'ai au moins été classée une fois deuxième. Ça ne m'a rien fait du tout parce que j'étais très bien dans mes activités de recherche et je n'étais pas vraiment pressée. Mais ce qui m'a vraiment mise en colère, c'est le recrutement sur X. C'est pour des raisons de choix de la commission de spécialistes par rapport à un profil de poste. Le poste était profilé très exactement sur ma spécialité. Nous étions 5 à postuler et la personne qui a été prise était de très loin la plus mauvaise candidate. La différence, c'est qu'elle avait été attachée temporaire d'enseignement et de recherche pendant 3 ans, puis avait eu un statut de maître de conférence associé, un truc comme ça, ce qui fait que c'était plutôt une réaction corporatiste des maîtres de conférence qui ont considéré que c'était impossible qu'elle n'ait pas de poste. Donc, c'est une décision qui a été prise en dépit du profil du poste. Vous savez, certains sont bien renseignés, ils s'engagent auprès d'un professeur qui a le bras long et qui réussit toujours à placer ses poulains. Et ouais, ça marche, mais moi je ne regrette pas. Mon directeur n'était pas connu, et j'y suis arrivé quand même. Donc toutes ces magouilles, mec, les petits jeunes stratèges, ça existe, hein, et ça a toujours existé. Il y en a qui ont les dents longues, j'en connais qui se sont bien débrouillés. Rien qu'au niveau du choix de leur directeur, ça compte. Avoir monsieur un tel comme directeur, c'était à l'époque un excellent passeport. Laurence Viry a écrit en effet « Le monde vécu des universitaires » ou « La République des égaux » séparu pour ceux et celles qui souhaiteraient le découvrir. Découvrir cet ouvrage, on le fera apparaître sur le site d'Histoire Vivante, aux excellentes presses universitaires de Rennes. Françoise Vaquet, peut-être encore un chapitre. L'argent étant dans bien des domaines le nerf de la guerre, pour faire de la recherche et pour faire certaines recherches, il faut des sous. Et dès lors qu'il y a des sous, il y a de la concurrence. Et qui dit concurrence, quand on est dans l'humain, dans l'animal aussi d'ailleurs, je le présume, ne veut pas forcément dire l'élégance et la galanterie à tout craint. Alors, est-ce que vous avez traité aussi de cette question-là ? Alors, obtenir de l'argent, obtenir un programme de recherche, obtenir un financement, obtenir une place dans l'université, une place naturellement qui amène aussi de l'argent, cela fait naître un phénomène qui est l'envie. L'envie apparaît comme une dimension du monde universitaire. Et là, j'ai trouvé des exemples, aussi bien en France, mais aussi à l'étranger. Par exemple, il y a eu une très belle étude sur cela au Danemark. Ça l'était déjà à la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle. Et un savant italien notait que le peuple lettré, comme il dit, est dominé par l'envie. Et que c'est l'envie, en quelque sorte, le fait que l'on n'aura pas ce que l'autre a eu, puisque c'est différent de la jalousie, l'envie est une dimension majeure. Il y a, dans votre question, un autre aspect, c'est celui des financements. Obtenir des financements, et à l'heure actuelle, de plus en plus, puisque la recherche se fait de plus en plus sur la base de financements que l'on demande pour tel ou tel programme, telle action de recherche. Et là, c'est un chapitre que je n'ai pas tellement développé, mais qui mériterait de l'être, parce que cela amène aussi le rapport avec d'autres interlocuteurs qui sont des interlocuteurs administratifs. Et cela, il faut en prendre compte, parce que ne pas penser que le monde universitaire est uniquement cantonné dans sa propre sphère, il y a aussi d'autres interlocuteurs qui entrent en jeu. Ah, parmi les autres interlocuteurs, mais peut-être qu'on en parlera un petit peu plus demain, il y a aussi forcément l'éditeur Françoise Vaquet. Je vous propose qu'on clôt aujourd'hui ce chapitre, et puis on se retrouve demain pour la suite de cet entretien. Demain, nous retrouverons la chercheuse Françoise Vaquet autour d'une histoire émotionnelle du savoir, ouvrage paru chez CNRS Éditions, ainsi que d'autres témoignages anonymes. Les comédiens étaient aujourd'hui Sylvie Nickbart et Gilles Tessier. Le tout est mis en onde par Jean-Philippe Svalen. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Assistana de production, Corinne Rochat, Valérie Danton, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.